Itariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Il n'y a toujours pas de traces du journaliste Jean-Louis Grimana du journal Iwachu et Info Grand Lac, porté disparu depuis vendredi de la semaine dernière. Son épouse demande aux instances habilitées à tout faire pour qu'elle retrouve le sien. Et pour le cas de Nestor Ndaitwayeko, un autre journaliste, cette fois d'Info Grand Lac, Arutana, qui dit avoir été menacé par le commissaire de police dans cette province. La police l'appelle à saisir les instances judiciaires si cela est réellement le cas. En page sécurité, deux personnes ont été assassinées dans la nuit de mardi à mercredi devant un hôtel situé à Bwiza, à mairie de Bujumbura. Les précisions, c'est pour bientôt dans ce journal. En politique, l'expert en communication non violente, Adolphe Sururu, appelle les politiciens qui participent dans les pourparlers inter-burundais à Arusha à conjuguer les efforts en vue de trouver une paix durable pour le pays. Et puis, quatre élèves du lycée communal de Changuzo ont logé la nuit dernière à la prison centrale de Rigi. Ils sont accusés d'avoir griffonné la photo du président de la République se trouvant dans les manuels scolaires. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journaliste Jean-Louis Grimana du journal Iwachu et Info Grand Lac est toujours porté disparu depuis vendredi de la semaine dernière. La police nationale dit ne pas savoir où il est jusqu'ici. Le service national des renseignements, mémément. Contacté au téléphone, l'épouse du journaliste Godberte Hakizimana s'inquiète pour la vie de son mari. Elle demande aux instances habilitées à tout faire pour qu'elle retrouve le sien. Godberte Hakizimana est traduite en français par Mireille Kanyang. Il avait quitté le lieu du travail vers 13h. Puis, il est passé à la maison pour m'informer qu'il allait à Bugarama pour revenir peu après. Depuis, je ne l'ai pas revu. On m'a téléphoné pour m'informer qu'il venait d'être arrêté. Samedi matin, je me suis rendue à Bugarama pour m'enquérir de la situation. Les témoins oculaires m'ont dit que mon mari a été embarqué dans un véhicule de la documentation vers Muramvya. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas l'endroit où il serait détenu. Je me suis entretenue avec le commissaire de la police. Il m'a dit qu'on ne l'a pas encore retrouvé. Je demande à la police de faire vite l'enquête et de le retrouver. Nous demandons aussi à ceux qui le détiennent de nous le montrer vivant ou mort pour savoir quoi prendre ou laisser. Un autre journaliste, cette fois correspondant du journal en ligne Info Grand Lac, Nestor Ndaitwayeko, devrait saisir les instances judiciaires si réellement il a été reçu des menaces de la part de Léandre Nkurunziza, le commissaire de police Arutana. La réaction est du porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye. C'est après que le journaliste Nestor Ndaitwayeko ait dénoncé les menaces qu'il a eues de la part du commissaire de police après qu'il l'ait tabassé dans la nuit de lundi à mardi. Deux personnes ont été tuées, fusillées dans la nuit de mardi à mercredi dans la zone Bwiza, à mairie de Bujumbura. Le crime qui a été commis par deux bandits armés de deux pistolets, selon du moins la version policière, a eu lieu devant l'hôtel La Gloria, 7e avenue numéro 73. Les agents du dit hôtel demandent que la sécurité soit renforcée autour des hôtels et des bits de boissons notamment, qui sont des lieux de rencontre de grand public. Le point avec Ali Dandaikeza. Ces deux personnes ont été assassinées au cours de la nuit de mardi à mercredi devant l'hôtel Gloria, se trouvant à la 7e avenue numéro 73 en zone urbaine Bwiza. C'était vers 4h du matin quand des coups de feu ont été entendus par les locataires, comme l'indique un des employés de cet hôtel. J'ai entendu des coups de feu. Je me suis réveillé, mais j'ai attendu avant de sortir. Par après, on a entendu une fille crier dehors et la police est arrivée. Les personnes qui ont été tuées sont des hommes, le chauffeur, taximen et son client. Le porte-parole de la police indique que ceux qui ont commis ce forfait étaient des bandits munis de deux pistolets. Ils se sont d'abord battus avec le nommé Gasongo qui venait avec une fille dans cet hôtel pour l'abattre par après, ainsi que le chauffeur taximen du nom de Jean-Paul Nyonzima, qui conduisait un véhicule qui a pour plaque B0989A, comme le fait savoir Pierre Ourikié, porte-parole de la police. Il indique en outre que la fille a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Les employés à cet hôtel demandent que la sécurité soit plus assurée, surtout dans les lieux publics. Ce qu'on demande, c'est que les patrouilles des policiers soient augmentées pour qu'il y ait la sécurité dans notre zone, surtout dans les lieux publics comme les hôtels et les bars. Ils peuvent même ériger une position des policiers ici, à côté, pour avoir une tranquillité. En page politique, les politiciens burundais devraient adopter un langage non violent. C'est du moins le point de vue du professeur Adolphe Sururu. Il l'a dit ce mardi lors d'un atelier qui avait été organisé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. L'expert en communication non violente appelle les hommes et femmes politiques qui participent dans les pourparlers inter-burundais d'Arusha à conjuguer plutôt leurs efforts en vue de trouver une paix durable pour le pays. Suivez professeur Adolphe Sururu. Je me baserai toujours sur les principes, les résolutions et les fondements de la communication non violente. Vous savez que la communication non violente vise toujours le maintien de la relation, qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe les différends. La communication non violente recommande que nos paroles et nos actes encouragent toujours le maintien de la relation. Et je ne pense pas que s'étiqueter de ceci ou de cela, ou bien tenir des propos, communication non violente, propose plutôt un modèle rassembleur. Nous devons avoir le courage de nous écouter les uns les autres. Nous devons avoir le courage de changer nos positions de part et d'autre. Nous devions avoir cette humilité, cette simplicité de pouvoir se mettre aussi à la place de l'autre pour que vraiment l'Église revienne au milieu du village, pour que le dialogue, pour que l'harmonie. Vous savez, en toute négociation, si nous visons l'approche gagnant-gagnant, changer de position après avoir écouté l'autre, une fois que nous sommes d'accord sur la recherche commune de la paix, nous voulons tous la paix, nous voulons tous le développement pour notre pays, nous voulons un Burundi paisible, un Burundi où tous les Burundais vivent en harmonie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro, nous poursuivons avec ce journal. La cherté de devises au Burundi s'explique par le problème de produits d'exportation ou de capitaux qui entrent dans le pays. Cela est dit par Dr Salomon Sabimana, expert en économie. Il propose qu'il y ait revalorisation des secteurs d'exportation existants, la mise en valeur des secteurs dormants, mais aussi pour l'expert Salomon, il faut multiplier les partenaires financiers. Suivez Salomon Sabimana, spécialiste en économie. Le fait que les devises coûtent cher, c'est qu'il y a une insuffisance, de mon point de vue, des devises sur le marché. Maintenant, la question qui se pose, c'est justement de savoir pourquoi il y a peu de devises sur le marché. C'est probablement essentiellement la Banque centrale qui a les chiffres pour savoir quelle est la quantité de devises qui est émise sur le marché de change. Mais de façon générale, les devises entrent dans un pays à travers les recettes d'exportation. À travers les capitaux qui entrent, peuvent provenir des étrangers, tout comme ça peut provenir des nationaux qui sont à la diaspora. C'est cet ensemble des aides des organismes internationaux, ces dons, projets qui viennent s'exécuter au pays. S'il y a un problème sur l'un ou ces différents canaux, il y a un problème de devises sur le marché, et s'il y a une quantité insuffisante, on comprend que le prix va augmenter. Un autre facteur qu'il ne faudrait pas ignorer, c'est ce qu'on appelle le sentiment du marché. Les gens peuvent dire, le prix du dollar continue à augmenter, et c'est lui qui a des devises. Chez lui, individuellement, il peut dire « Ah, attention, j'attends que la valeur de cette devise continue à monter. » Et le comportement va accentuer la dépréciation de la monnaie nationale, autrement dit la cherté de la devise. L'expert Salomon Sabimana sera l'invité de ce journal. En page économie encore, plus de 60 entreprises sur les 171 dont les dossiers ont été traités n'ont pas respecté les engagements en ce qui est des exonérations qui leur sont accordées par le Code des investissements au Burundi. Le directeur de l'Agence de promotion des investissements donne l'exemple des investisseurs qui bénéficient des exonérations pour l'importation du ciment destiné à la construction des hôtels, mais qui en vendent aux particuliers. Au cours d'un café de presse, ce sont mercredi sur le bilan des 6 premiers mois de l'année. Dida Sengenda Kumana a souligné que la violation d'engagement de la part de certaines sociétés a donné lieu à un manque à gagner de plus de 90 milliards de francs burundais destinés au trésor public. Karine Butoyi, stagiaire à la radio Isanganiro. Plus de 90 milliards, c'est le montant du manque à gagner pour le trésor public. Cette somme est découlée du non-respect des engagements pris par certaines entreprises en ce qui est des exonérations qui leur sont accordées par le Code des investissements. Sur 71 dossiers traités de certaines entreprises, 62 n'ont pas respecté leurs engagements, selon le directeur de l'agence de promotion des investissements. Didons Gindakouma en a précise que les enquêtes vont continuer pour d'autres sociétés. Toutes les sociétés ou entreprises qui totalisent les exonérations égales ou supérieures à 10 millions de francs burundais ont été visités et totalisent 171 sociétés. Mais cela ne dit pas que les enquêtes ne peuvent pas continuer pour les autres sociétés qui ont bénéficié moins de 10 millions de francs burundais. C'est une étape. Didas Ngendakouma en a reconnu la défaillance en ce qui est du suivi des sociétés qui n'ont pas respecté leur engagement. Il y a eu des défaillances au niveau du suivi des exonérations. C'est pourquoi son montant a atteint plus de 97 milliards. Sinon, nous tous nous sommes choqués de voir que les choses sont devenues telles qu'elles sont, mais nous sommes en train de tout faire pour limiter ou même giguer contre ce fléau de façon définitive. Ce directeur a aussi indiqué que l'API fait face aux défis liés aux ressources humaines limitées. Mais il se réjouit que l'API a déjà enregistré 1118 entreprises contre 783 entreprises enregistrées pendant le premier semestre de l'an 2015. Quatre élèves du lycée communal de Changhuzo ont été transférés hier mardi de Changhuzo à la prison centrale de Ruyigi. Ils ont été arrêtés, accusés d'avoir griffonné la photo du président de la République qui se trouve dans les manuels scolaires. Le président du conseil des parents à cet établissement demande que ces élèves soient pardonnés et relâchés, comme l'ont même demandé les parlementaires burundais. Les précisions de Jean-Claude Nshimirimana depuis Ruyigi. Grâce à Divine Lukundo, né en 1995, Domenico Faustin Sinzobakwira, Cédric Nziranyuhura, né en 1996, et Shalom Haragakiza, né en 1997, tels sont les quatre élèves du lycée communal Changhuzo, transférés ce mardi à la prison centrale de Ruyigi. Tous les quatre sont poursuivis par le parquet de la République à Changhuzo pour outrage au chef de l'État. Les élèves de la 9e année ont été arrêtés le 16 juin dernier puisqu'ils étaient accusés d'avoir gribouillé la photo du président de la République dans les manuels scolaires. Dès lors, ils étaient détenus à Changhuzo, un au cachot du parquet de la République et trois autres au cachot du commissariat de police. Le 29 juin, la chambre de conseil tenue au tribunal de grande instance de Changhuzo a maintenu la décision de détention de ses élèves. Le président du conseil des parents au dit établissement scolaire, Ismaël Ilachandaguié, demande aux instances habilitées à pardonner ses élèves, comme cela a été le cas pour d'autres ailleurs. Également, il remercie l'Assemblée nationale burundaise pour avoir suivi de près l'affaire et qui de surcroît a elle aussi demandé que ses élèves soient pardonnés après les enquêtes faites par les députés. Vous saurez que quiconque se rend coupable d'outrage au chef de l'État est sanctionné par une servitude pénale variant de 6 mois à 5 ans et d'une amende comprise entre 10 000 et 50 000 francs burundais. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude. Les étudiants d'université s'indignent de la montée des frais pour la conformité des diplômes qui sont passés de 100 à 500 francs burundais. Ils disent que ce prix est exorbitant au regard de leur pouvoir d'achat. Ils demandent aux responsables concernés de tenir en considération leur pouvoir d'achat, avant de fixer de tels prix. Pour plus de détails, Christella Nizigama. Les personnes trouvées à l'Office burundais des recettes, plus précisément au Palais des Arts, en train de payer les frais de conformité de leur diplôme, disent que ces frais ont augmenté. Celui-ci affirme que cette montée des prix est au-delà de leur pouvoir d'achat. Auparavant, c'était 100 francs par copie. Mais aujourd'hui, nous avons raconté qu'on a augmenté le prix. C'est 500 francs par copie. Vu l'état de pauvreté auquel nous sommes, nous constatons que l'État devait faire un effort pour réduire les prix. D'abord, d'avertir la population sur ce camp de hausse des prix, mais aussi de voir l'état auquel la population est. Même celui-ci était en train de faire la conformité de son attestation de réussite. Nous avons payé 500 francs par copie et auparavant c'était 100 francs par copie. Ce n'est pas normal parce que si les prix peuvent monter de cette façon, passer de 100 francs à 500 francs, ce n'est pas du tout normal. J'avais prévu 5 copies. Mais à voir le prix que j'ai trouvé là-bas, j'ai jugé bon de payer deux. Demandons alors à l'État de voir le pouvoir d'achat de la population avant de faire monter les prix de cette manière. Parce que donc, ce sont des documents qu'on ne peut pas passer outre. Ils demandent aux autorités habilitées de se conformer à leur pouvoir d'achat pour fixer les prix. À savoir, Christella, que le chargé de la communication à l'Office burundais des recettes reconnaît que les frais de conformité des diplômes ont été revus à la hausse. Dani Gakunzi fait savoir que pour les diplômes des humanités générales, 200 francs burundais sont exigés alors qu'avant on payait 100 francs. Et pour les diplômes d'université, on doit payer 500 francs burundais. La décision est du ministère ayant en charge l'éducation, selon encore Dani Gakunzi. À la source, interview. Comme promis, l'invité de ce journal est Dr Salomon Savimana, spécialiste en économie. Il s'exprime sur le manque de devises et qui parle de lui actuellement au Burundi. Salomon Savimana répond aux questions de Blaise Célestin Néokoubgaïo. Docteur Salomon, bonjour. Bonjour. Quelles sont les explications donnerez-vous à cet échec théorarité des devises au Burundi? En fait, la question de l'arrêté des devises au Burundi, il faudrait la situer dans la théorie même du marché. Maintenant, dans la réponse qu'on peut donner dans l'ensemble, le fait que les devises coûtent cher, c'est qu'il y a une insuffisance, de mon point de vue, des devises sur le marché. Maintenant, la question qui se pose, c'est justement de savoir pourquoi il y a peu de devises sur le marché. Et à cette question, je pense que c'est probablement essentiellement la Banque centrale qui a les chiffres pour savoir quelle est la quantité de devises qui est émise sur le marché de change. Mais de façon générale, les devises entrent dans un pays à travers les recettes d'exportation. À travers les capitaux qui entrent, peuvent provenir des étrangers, tout comme ça peut provenir des nationaux qui sont à la diaspora. C'est cet ensemble des aides des organismes internationaux, ces dons, projets qui viennent s'exécuter au pays. S'il y a un problème sur l'un ou ces différents canaux, il y a un problème de devises sur le marché, on comprend que le prix va augmenter. Un autre facteur qu'il ne faudrait pas ignorer, c'est ce qu'on appelle le sentiment du marché. Et c'est lui qui a des devises, peut dire, ah, attention, j'attends que la valeur de cette devise continue à monter. Et le comportement va accentuer la dépréciation de la monnaie nationale, autrement dit la chèreté de la devise. Lorsque le taux de change augmente pour la devise, c'est-à-dire que les gens qui vont importer vont acheter la devise chère. Et quand ils achètent la devise chère, ils vont importer des produits à un prix élevé. Or, pour garder sa marge bénéficiaire, il va incorporer cette chèreté dans le prix du marché. C'est-à-dire que la capacité de demande diminue. Et cette demande s'apprécie en termes de consommation des ménages, en termes d'investissement, en termes d'investissement des entreprises, mais aussi en termes de recettes fiscales de l'État. Et à ce niveau, si la demande globale diminue, même ces importateurs auront des problèmes à faire écouler les produits qu'ils ont importés. Y a-t-il des solutions pour en fait arrêter cette rareté ou cherté des devises, au moins dans l'immédiat? Bon, par rapport à cette question, je pense que les responsables sont à rêve. Mais dans l'ensemble, la sécurité de nos exportations ne permet pas qu'on augmente les exportations pour faire entrer les devises. Donc, à court terme, je dirais, gérer de façon optimale les ressources de la quantité de devises qui existent, mais aussi suivre le marché de change pour voir à temps quels sont les signaux qui sont émis par ce marché. À moyen terme, c'est continuer à créer un environnement attractif pour l'entrée des devises. Autre chose, continuer à attirer les partenaires techniques et financiers et multiplier les partenaires techniques et financiers qui amènent soit les appuis budgétaires, soit les dons projets. À long terme, il faut continuer à voir comment développer les produits traditionnels d'exportation, le café, le thé. Pour le cas du Burundi, il faudrait voir comment augmenter les autres secteurs, ce que nous appelons le secteur dormant. Par exemple, le secteur de l'huile et de palme, les unités de production qui transforment les fruits. Docteur Samu Saïmane, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Blaise Célestin, Docteur Salomon, merci. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.